m'a déjà vu sur l'avenue des Benglas. Au bâtiment 2, en promenade au Carpla. Il doit délover, mais il est même pas là. J'ai déjà pris mon billet pour Amsterdam. Si tu le cherches, il est plus là. Il a déjà benga sur l'avenue de Benga. T'as fait une rapta et t'en rappelles même pas. Y'en a plein qui l'aiment pas, ils ont tué le tempo. Il a plein les pleins pro, il fait bosser à déco. Il refait la déco, il finit au dépôt. 3 heures après, il est en mode à dépôt. Il fumera toute sa peine, il sortira costaud. Il fumera toute sa peine, il sortira fagosto. Sous l'effet de la rapta, il viendra t'accoster. J'me barre là-bas à Malaga. Tu m'as déjà vu sur l'avenue de Benga. Au bâtiment 2, en promenade au Carpla. Il doit délover, mais il est même pas là. Il est même pas là, il a déjà benga. J'ai déjà pris mon billet pour Amsterdam. Il s'inspire des grands bandits de sa cité. Sa maman lui a dit fais attention à Tveret. Il côtoie des mecs qui font le crime tarifé. Sous son lit, six coups barillés. De midi à midi, il est là de prière. Plus de yébi et moins de manières. Maintenant c'est le loup. Hey, hey, hey, hey, hey. Y'a une quête, il faut pour oublier. Hey, hey, hey, hey. Jour de paye, on voit la bouteille. J'me barre là-bas à Malaga. Tu m'as déjà vu sur l'avenue de Benga. Au bâtiment 2, en promenade au Carpla. Il doit délover, mais il est même pas là. Il est même pas là.